Sans sanglots, sans endroits. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le Togo, amis auditeurs, bienvenue à cette édition spéciale Fenêtre sur l'Afrique sur nos radios partenaires FM Liberty Radio Deniban. Au Togo, le peuple à l'appel de l'opposition et de la société civile semble ne pas faiblir avec les mouvements de rue et dans leurs revendications légitimes qu'est le retour à la constitution de 1992. Ce paragraphe de cette constitution, je cite, « En aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats » revient sur les lèvres de plusieurs citoyens. Après au moins 25 dialogues, que ce soit celui de Bruxelles parlant des 22 engagements, que ce soit ceux de Ouagadougou, au lieu duquel l'accord politique global APG vit de 11 ans maintenant, CPDC rénové, CPDC sans alternance depuis plus de 50 ans, difficile de comprendre la communauté internationale convier de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde pour quel résultat? C'est la grande question. À mes auditeurs de cette émission panafricaine, des morts, des blessés, des emprisonnés, des condamnés, d'importants dégâts matériels sont à retenir des dernières manifestations dans plusieurs villes au Togo. Jusqu'où iront ces manifestations? Nous en discuterons avec nos invités depuis le Togo et dans la diaspora, notamment aux États-Unis. Merci de nous être fidèles. Mais en attendant, notre éditorial. Sans sanglots, sans endroits. Nous sommes tristes, tristes et très attristés de savoir que malgré les cris et gémissements sans cesse poussés par le peuple togolais, aucune voix ne se soit levée devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York pour appeler le tyran fort Nassimbé et ses sbires à cesser leur tyrannie et faire place à la vraie démocratie. Cette aspiration profonde du peuple togolais qui réside désormais en ce retour voulu à la constitution de 1992, votée à plus de 94% comme un seul homme par le peuple togolais. À mes auditeurs panafricains, togolais de la diaspora, togolais de tous bords, difficile de comprendre la position exprimée par la communauté internationale face à la persistante crise sociopolitique que traverse le Togo depuis plus de 50 ans. Après au moins 25 dialogues, que ce soit celui de Bruxelles parlant des 22 engagements, que ce soit ceux de Ouagadougou, l'eau duquel l'accord politique global APG vit de 11 ans maintenant, CPDC et CPDC rénové sans alternance depuis plus de 50 ans, difficile de comprendre cette communauté internationale conviée de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde. Et pour quel résultat? Eh bien, c'est la grande question. Peut-on discuter avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole? Le peuple togolais est un peuple non violent. Il a fait d'énormes sacrifices vains pour l'instauration d'une vraie démocratie. Des morts, des blessés, des emprisonnés, des condamnés, des exilés, des portés disparus, d'importants dégâts matériels. Eh bien, appeler encore ce peuple martyrisé à dialoguer avec son oppresseur, c'est saboter la lutte qu'il mène actuellement. Quelle voix Emmanuel Macron voudrait qu'on attribue à ce terrorisme qu'est le règne sans fin de Nyasimbe, qui tue, assassine, réduise le peuple togolais à la mendicité pour parler en son nom devant cette Assemblée des Nations Unies comme il a fait au nom de Ousmane, Jules, entre autres. Quel nom, amis auditeurs, Emmanuel Macron voudrait qu'on donne à ce tsunami qui souffle à une vitesse séquentenaire et séculaire, balayant sur son passage des générations qui ont aussi apporté de ce combat où la France a trouvé sa stabilité, sa relance et son positionnement dans le monde entier. Nous sommes tristes, à mes auditeurs, de constater qu'au moment où le peuple togolais est pourchassé comme un gibier jusque dans sa chambre pour être tabassé, blessé, terrorisé, qu'aucune voix ne se soit levée à cette tribune-là pour considérer Kofi, Issifou, Mazama, Kani et Kouyaovia Kosiwa à Blabiliacha comme un citoyen du monde entier qui mérite qu'on porte sa voix. Nos larmes coulent à force de constater que, contrairement à d'autres peuples de la sous-région ouest africaine, le peuple togolais n'est qu'un orphelin qui continue d'être hanté par la boulimie du pouvoir exprimé sans vergogne, hier par Gnassingbé Yadema, aujourd'hui par son fils fort Gnassingbé. Oui, elle coule encore plus, ses larmes d'orphelin, quand nous appelons que la multinationale française Bolloré, sur la terre de nos aïeux, intime l'ordre à ses employés de marcher pour une prétendue paix qui n'existera que de nom. Mardi 19 septembre dernier, le régime RPT uni a franchi le Rubicon de la voyoucratie en envoyant, dans un palais des congrès bunkérisé et militarisé, ses députés adopter aux deux tiers le soi-disant projet de réforme de la Constitution qui ouvrirait davantage le boulevard à Fognacibé. Oui, c'est une vérité qui mérite d'être dite aussi à cette tribune des Nations Unies, l'adoption de ce projet unique qui ouvre, dans l'entendement de ces êtres déshumanisés que sont les membres de ce qui peut être finalement baptisé secte nationale, la voie d'un référendum qui ne sera jamais, jamais, nous disons, organisé avec ce peuple qui n'en veut pas. Ce peuple qui dit avec insistance non, non et non. Refuser de porter la voix de ce peuple qu'on brutalise, qu'on tue, qu'on assassine, qu'on contraint à l'exil, qu'on réduit à la mendicité, c'est le pousser à bout pour se comporter comme un animal féroce qui n'a plus autre recours qu'une réponse violente qui va forcément produire, si elle se produit, de bruits très assourdissants. Oui, amis auditeurs, le peuple togolais reprend les rues et ne se lassera plus jusqu'au rétablissement de sa liberté et souveraineté confisquée depuis 1963 par les Gnassingbé. Ce projet de loi n'est qu'un toutou porté par Faure Gnassingbé sur une scène qui se vide encore et encore et qui va s'exprimer avec fracas puisqu'on refuse de porter sa voix. Peuple togolais, tu dois te le mettre dans ta tête. À l'instant où un esclave refuse d'être esclave, ses chaînes tombent. Oui, lève-toi et mets définitivement fin à cet esclavage qui te maintient captif depuis environ 54 ans. Tu dois y parvenir car abandonner ta lutte à ce niveau serait ouvrir un autre boulevard cinquantenaire à un autre fort Gnassingbé. Peuple togolais, ton avenir, ton destin est dans tes mains. Où est cette force avec laquelle tu as vu ton premier jour glorieux en 1958 avec ton indépendance? Oui, où est cette force? Où est-elle? Non, nul ne doit baisser les bras devant ce terrorisme inouï qui verse sauvagement ton sang innocent. Peuple togolais, ta flamme rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. L'hymne national te le recommande. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Novio, à vous l'été. C'est quand on de règne des Gnassingbé. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crime économique, gabegie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vain dans la dignité. Wakatoa dala Togobia Ive. Wakatifo Togobia Fenima. Togobia Aloha todala, ekwe, ekwe nesen. Togovio, gamesu, mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Au moins deux morts, dont un enfant de 9 ans, plusieurs blessés gravés, dégâts matériels importants. À mes auditeurs, c'est ce qu'on peut retenir des manifestations des 6 et 7 septembre dernier à l'appel de la nouvelle synergie de l'opposition togolaise, CAP 2015, PNP, Groupe des 6, Santé du Peuple et le CAR. Pourquoi tant de répression sanglante dans les villes du nord du Togo, longtemps considérées comme fièvres du pouvoir actuel? Après plus de 25 dialogues dans la crise sociopolitique au Togo, sans alternance depuis plus de 50 ans, comment comprendre la communauté internationale qui convie l'opposition au pouvoir à une table ronde afin de trouver une solution idoine à la crise? À mes auditeurs, pour en parler, nous accueillons deux invités et tout de suite en ligne depuis la ville de Mango, située à 500 km au nord du Togo, Nabuja Bouraima, professeur de philosophie au lycée de Mango. Nabuja Bouraima, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à tous les auditeurs de la diaspora africaine, notamment celle togolaise. Parce que je suis togolais, je suis Nabuja, votre frère ami Nabuja Bouraima, prof de philosophie au lycée technique de Mango, ancien détenu des incendies des marchés. Je voudrais encore une fois, à travers les ondes de votre radio, pour vous dire merci pour le soutien, merci pour votre attention particulière, parce que l'avenir de notre pays nous préoccupe tous, que tu sois au Togo ou hors du Togo. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Mango. Plus de 50 blessés lors des dernières manifestations au Togo, surtout au nord du pays. On déplore deux morts, dont un enfant de 9 ans, Nabuja Bouraima. Que comprendre de ces répressions sanglantes dans ces localités du nord du Togo, longtemps considérées comme fief du régime actuel? Effectivement, c'était par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement dans notre pays. Depuis les manifestations du 19 août passé lancées par le PNP, le Parti National Panafricain, de Maître Akyadam, que je salue de passage, les choses ne sont plus comme avant. Le statisme est remis en cause. Les lignes sont en train de bouger. Les zones qui étaient considérées comme étant les prétendus fiefs du parti au pouvoir sont devenues les terrains conquis pour l'opposition. Effectivement, ce que je vais déplorer pour ce premier point, c'est par rapport aux blessés. Plus de 50 blessés lors des dernières manifestations du Togo, surtout au nord, où nous déplorons d'abord deux morts, dont un enfant de 9 ans, le petit Yakubu, qui est parti au moment où tous les Togolais avaient encore besoin de lui. Cet innocent qui vient encore accroître la liste noire des décès des victimes innocentes de ce régime barbare et cinquantenaire. Nos larmes ont coulé. Nos larmes continuent de couler. Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. Durant 50 ans, ce régime n'a fait que créer traumatisme. Ce régime n'a fait que détruire l'humain à cause des intérêts égoïstes, à cause des intérêts personnels. La dignité humaine est remise en cause. C'est ça qui nous révolte. Les gens sont sérieusement blessés parce que, surtout au niveau de Bafilo, on a utilisé des armes non conventionnelles contre des populations à main nue, des manifestants à main nue, tués innocemment et fraudement par nos militaires, payés par l'argent du contribuable. C'est révoltant, mes frères. C'est révoltant. Nous sommes décidés à arracher contre vents et marées notre liberté. Nous n'avons ni armes, ni couteaux, ni cailloux, mais les mains nues levées vers le ciel. Le Togo doit renaître. Ce pays qui a tant souffert à cause de la dictature d'une seule famille. Patriotes, je tiens à vous dire encore une fois merci pour votre attention particulière. Eh bien, décidé à arracher contre vents et marées notre liberté, c'est ce que vous venez d'affirmer Nabuja Bouraima. Mais face à ces répressions sanglantes, pensez-vous que les populations vont être prises de peur à se résigner? Quand vous faites un peu la psychologie de ce régime qui utilise les méthodes les plus rétrogrades contre les populations à main nue qui manifestent pour réclamer le retour de la constitution originelle de 1992 qui prévoyait en son sein la limitation de mandat, les élections à deux tours, le vote de la diaspora, Ils ont une intention. C'est pour décourager les gens. Surtout vers l'intérieur du pays. Ils utilisent les moyens non conventionnels pour réprimer à sang et à mort la population. Avec l'intention que ça va décourager les gens. Mais ils ont oublié une chose. Les mentalités ont changé. Depuis le 19 août, date de la première manifestation organisée par le PNP, les manifestations ne font que prendre de l'ampleur. Juste pour dire que le vase a débordé, le Togolais n'a plus peur. C'était un leurre de croire que le nord du pays était leur fief. Le peuple togolais vers l'intérieur du pays, c'est le plus marginalisé, le plus opprimé, qui aujourd'hui a compris que nous ne pouvons plus rester indifférents face à la lutte que l'opposition depuis 90 mène et qui nous concerne tous. Cette répression ne va pas décourager les gens. Quand ils disent que c'est leur fief l'intérieur du pays, mon œil, quand nous prenons le vote au niveau des législatives, le découpage électoral, c'est ça qui leur fait croire qu'ils ont la main mise sur l'intérieur du pays. C'est un découpage bancal. S'il faut par exemple à Bafilo 14 000 votants pour deux sièges, par contre à Lomé, nous avons plus de 500 000 votants pour n'avoir qu'à peine 10 sièges. S'il vous plaît, faisons un peu les calculs. Le Nord n'est pas le fief, c'est un prétendu. C'est des pseudo-conceptions. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur montrer que c'était faux. C'est juste parce qu'il n'y avait pas d'opposants charismatiques vers l'intérieur du pays. Aujourd'hui, que nous avons des opposants, pas de moindres, vers l'intérieur du pays, les gens sont en train de voir la vraie face de l'intérieur du pays. Nous sommes engagés, nous sommes décidés. On ne peut plus céder. Eh bien, nous sommes engagés, nous sommes décidés. Et justement, le peuple togolais l'a démontré plusieurs fois lors de plusieurs manifestations au Togo. Mais Nabudja Bouraïma, avant, on pensait que le Nord était un terrain conquis à qui au profit du pouvoir. Doit-on lire, dans les faits actuels, une fin de cette considération? L'intention première de ce régime, je tiens à vous préciser, c'était de décourager les gens en utilisant ces méthodes de répression barbare. Ça a été toujours le cas. Depuis le temps de Yadiman, son enfant n'a fait que reconduire ce que son papa utilisait comme les méthodes les plus sanglantes, les plus rétrogrades, les plus inhumaines pour décourager les gens. Mais je tiens à vous dire que nous ne sommes plus prêts, vous m'excusez, à reculer. Le Togolais ne va plus reculer. Nous sommes déjà engagés et nous savons mieux que quiconque veut être libre, doit être prêt à faire au moins un minimum de sacrifices. Nous déplorons bien sûr des blessés et des morts, mais nous sommes arrivés à une phase de non-retour. Le Togolais ne doit plus reculer. Le Togolais ne peut plus reculer parce que la nation nous interpelle. Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. Qu'est-ce qu'il perdrait en continuant par étant esclave d'une minorité, comme Faure lui-même le dit, que la minorité s'est accaparée des biens de l'État? Quel Togolais digne de ce nom peut encore rester les bras croisés face à cette souffrance indescriptible qui a rendu l'humain obsolète et inexistence? Le Togolais n'a jamais connu le bonheur. La preuve, il y a plus de 2 millions de Togolais hors du pays. C'est notre Togo, ailleurs. Pour cette raison fondamentale et inéluctable, nous ne pouvons plus céder. Nous avons l'obligation de faire renaître une nation digne pour que la diaspora qui fuit le pays, le Togo, les gens fuient le Togo chaque jour que Dieu fait. Nous avons besoin que les compétences hors du pays reviennent pour qu'on rebâtisse une nation digne. Mes frères, le Togolais n'a plus peur parce que ce que nous défendons est noble et légitime. Si cette minorité était à notre place, la misère, les larmes, le sang humain qui coule, est-ce qu'ils allaient accepter? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si on pouvait comprendre ça, on aurait pu épargner ces pertes en vie humaine, cet innocent encore, Yakubu, le petit de Mango. Avant lui, Sinandare. Avant lui, Douti. Avant lui, ce jeune aussi qui est mort à Sokodé. La liste est longue, mais nous ne sommes pas prêts à reculer. Ils vont céder parce que le peuple est souverain. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le Nord, aujourd'hui, n'est plus à unir, n'est plus au RPT. Parce que le berceau de la misère du pays, c'est au nord du pays. Donc nous gagnons quoi en nous taisant? Ou bien le nord du pays est né pour être malheureux indéfiniment? Mes frères, les tendances, la peur a changé de camp. Eh bien tout à fait, la peur a changé de camp, comme vous venez de le dire. tout comme bon nombre de Togolais, ils l'ont exprimé lors de la dernière manifestation du CAP 2015 au 3 août dernier et celle du 19 août dernier du PNP de Tiki Achadam, Nabuja Boureyman. Je voudrais vous relancer sur ma question présidente car je considère que vous n'avez pas assez éclairé nos auditeurs sur le fait que bon nombre de l'opinion nationale, tout comme internationale, pensait que le Nord était un terrain conquis et acquis au profit du pouvoir depuis le temps de Père Nyasimbe jusqu'à son fils Fort Nyasimbe. Est-ce que vous pouvez nous expliciter là-dessus, Nabuja Boureyman? Je voudrais revenir sur le point par rapport les tensions, la conception selon laquelle le Nord était en quelque sorte la zone réservée au régime. Effectivement, moi, Nabuja Boureyman qui vous parle, j'ai vu mes parents qui soutenait contre vents et marées ce régime. Nous aussi, quand nous avons commencé par suivre de près la politique, nous avons défendu nos frères. On nous avait fait croire que c'est le Nord contre le Sud. Il faut le dire. Il faut appeler les choses par leur nom. Et nous avons grandi avec cette psychologie. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, surtout au niveau des études, on s'est rendu compte que c'était une pseudo. C'était une intoxication. Cette histoire de Nord-Sud, en réalité, n'existait pas dans les faits. Parce que dans les universités, dans les écoles, nous étions avec les EV, nous étions avec les Kabyé, nous étions avec les Moba, nous étions avec les Kotokoli. Bref, c'était une symbiose dans laquelle se trouvaient tous les Togolais. Et que, quand nous avons également analysé, là où il y a plus de misère dans le pays, c'est vers l'intérieur du pays. Mais nos grands frères qui sont au pouvoir nous font croire que non. S'ils ne sont plus là, nous allons beaucoup souffrir. Mais à un moment donné, aujourd'hui, nous avons compris que c'est faux. C'est faux. Et je partage, moi, personnellement, mon expérience. En 2013, quand j'ai été jeté en prison avec mes petits frères, Napo Tieng, Kamim Piabalo, et Aledi Tiangai, ceux qui nous ont plus soutenus, ce sont nos frères du Sud. Ce sont nos frères du Sud, il faut leur préciser. C'est une occasion solennelle pour féliciter. Et ça nous a permis de combattre ce mythe. C'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. Dire que le fief, c'est fini. Nous n'allons plus lésiner sur nos petits moyens pour aller arracher nos droits. Il n'y a aucune différence entre les Togolais. C'est ce régime qui a bâti sa force dans la différence. C'est-à-dire, comment faire pour diviser les Togolais? Comment faire pour opposer une ethnie contre une autre? Vous voyez un peu, avant on nous avait dit que c'est le Nord contre le Sud. Mais aujourd'hui, quand avec la venue... fracassante de mettre Achadam à son côté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On oppose les Kotokoli contre les Kabyé. Et ceux qui sont faibles d'esprit, bien sûr, minoritaires, tombent dans leur piège. Nous avons l'obligation de leur faire comprendre que il n'y a aucune différence entre un Kabyé et un Kotokoli, encore moins entre un Évé et un homme du Nord. Le Nord par rapport à quoi d'ailleurs? C'est des trucs qui n'existent pas géographiquement, que nous avons tenté de situer les choses pour pouvoir peut-être nous situer. Mais en temps normal, entre les humains, nous devons dépasser les barrières. Les Togolais sont indivisibles, c'est ce régime. Et bientôt, vous allez voir, quand nous allons obtenir ce que le peuple togolais réclame, nous allons construire une nation où l'homme du Sud viendra calmement à l'intérieur du pays dormir chez les Kabyé. Le Kabyé ira chez l'homme du Sud pour dormir tranquillement. C'est cette nation que nous voulons bâtir. Et c'est ça qui nous donne la force de combattre ces mythes. C'est cette conception infondée que ce régime a eu à mettre dans nos subconscients pour sortir. Le Nord n'est plus à eux. Le Nord est à nous tous. Et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que c'était un leurre. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Et ils doivent tirer de leçons. Ils ont tiré de leçons. Quand on aime ses frères, on ne peut pas les rouler dans la farine indéfiniment. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient les seuls qui pouvaient nous sauver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le seul héritage que nous avons eu, c'est la misère, rien que la misère. Allez-y à Kara, allez-y à Pia, vous verrez les conditions de vie des gens. C'est chez les chefs d'État, de père en fils. Allez-y voir, la vie n'est pas rose. Toutes les réalisations faites à Kara, je vous le précise, la plus grande des infrastructures que nous avons à Kara, ça a été fait par l'Église catholique. L'Église catholique, le régime en place, nous comptons au bout des doigts les quelques domaines, des appartements qu'ils ont eu à faire. Tout le reste, c'est l'Église catholique qui a essayé. C'est l'Église catholique. Mes frères, Quel fief, mon œil, ils ont quel fief. Mettons les choses en place et on verra. Aux élections prochaines, s'ils peuvent avoir 5% dans ce pays. Nous sommes ensemble. Eh bien justement, professeur Nabudja Bouraïban, on comprend votre colère, mais revenons un petit peu sur la réforme politique. Parlant de ces réformes-là, le pouvoir se lance dans une campagne référendaire. Telle que la situation se présente, Nabudja Bouraïban, quelle issue entrevoyez-vous en tant que citoyen togolais? Et quand ce régime parle des réformes qu'ils avaient refusées avant, aujourd'hui, grâce à la pression de la rue, du peuple togolais, ils sont en train de revenir sur ce que le peuple togolais avait depuis fort longtemps exigé à partir de la constitution originelle de 1992, qui réclamait les élections à deux tours, qui préconisait la limitation de mandat. Mais aujourd'hui, comme ils ont chaud, ils reviennent parler de ça, mais en oubliant le problème de la rétroactivité de la constitution. Ils l'ont appliqué en 2003 contre Gilles Christ. Mais aujourd'hui, ils refusent qu'on l'applique cela contre fort. S'il vous plaît, quand vous êtes quelqu'un qui défend l'arbitraire, dites-toi que tôt ou tard, l'arbitraire va te rattraper. Et comme l'avait dit Rousseau quelque part, nul n'est assez fort pour être toujours fort s'il ne transforme pas sa force en loi. Ça voudrait dire quelque part que l'arbitraire n'épargne personne. Parce que dans la vie de l'homme, nous sommes des plus... On peut être un plus fort du moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être fort. Mais si ta force n'est pas légitime et légale, dis-toi que les lois arbitraires finissent par te rattraper. Voilà un peu ce qui se passe actuellement. Donc, les réformes, ils parlent du référendum. En considérant un peu le climat qui prévaut actuellement dans le pays, je ne sais pas dans quelle ville ils pourront peut-être organiser ce référendum. Je ne vois pas dans quel pays et dans quelle ville, pardon, ils pourront organiser ce référendum. Bien sûr, au niveau de Kara, les manifestations du 6 et du 7 ont montré encore la vraie face de Kara, où des miliciens armés de couteaux, de gourdins, sont venus demander aux gens de quitter les lieux pour ne pas organiser de manifestation. Ils n'ont pas besoin de manifestation chez eux à Kara. Chez eux, c'est chez le chef de l'État. Peut-être ils pourront organiser leur référendum à Kara. Mais ce ne serait pas légitime. Kara n'est pas un État dans un État. Kara n'est pas un État dans un État. Le Togo est un ensemble. Et le Togo, quand on parle du Togo, c'est de Lomé à Saint-Cassé. Ce référendum, c'est une fuite en avant. C'est du dilatoire. Un seul individu, on peut pas faire la loi pour faire plaisir à un seul individu. Je fais allusion à fort. Nous sommes aujourd'hui à un principe, face au principe. Moi, j'ai fait la philo. Nous sommes face au principe ici, éthique et moraux. Ton père fait 38 ans, toi, tu fais 12 ans. Quand nous calculons, nous tournons autour de 50 ans. Quelle famille aura encore cette chance? Quelle famille pourra encore avoir cette chance? D'où la nécessité de comprendre qu'on ne peut pas faire la loi pour faire plaisir à un seul individu. Le retour de la constitution originelle de 82, c'est ça ce que le peuple togolais réclame. C'est ça ce que nous revendiquons pour reconstruire une nation digne où tous les Togolais pourront avoir les chances égales. Et où un président ne sortira plus pour dire que, si par exemple il dit quoi, que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Mais la diaspora s'il vous plaît. Vous avez une fois entendu ce propos émanant d'un chef d'État en Occident, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne. C'est ce que nous vivons ici au Togo. Et ils l'appliquent. La minorité au Togo vit dans l'opulence totale. Et ils sont plus riches que des ministres européens, américains. Et vous pensez que des gens dignes de conscience peuvent continuer par faire des meilleurs culpas devant ceux qui nous font souffrir nuit et jour? Je crois que non. Toute chose a une fin. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme le disait Montesquieu. Nous sommes arrivés à une phase de non-retour. Le peuple réclame sa constitution de 92. Je vous remercie. Eh bien justement, toute chose a une fin. Nabudja Bouraïban, après au moins 25 dialogues sans alternance depuis plus de 50 ans, comment comprendre le rôle de la communauté internationale qui convie de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde? Quelle est votre réaction là-dessus? Mon cher Amos, à travers le trichement du canal de votre liberté, de votre radio. Je voudrais encore vous dire merci, c'est Naboudia. Vous savez, là où nous sommes arrivés, le peuple togolais doit prendre son destin à main. Nous avons fait plus de 25 dialogues, effectivement, qui n'ont accouché que des souris. Mais je tiens à vous dire que le dernier mot revient au peuple togolais. Le peuple togolais est souverain. Mais, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Nous sommes ensemble. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est le dernier mot revient au peuple togolais. Le peuple togolais est souverain. Faut-il aller faire le dialogue parce qu'il faut faire dialogue? Parce que les adversaires en face ne sont pas sincères. Ils ne tiennent pas compte des aspirations du peuple togolais. Ils font des calculs en tenant compte de leur parti politique. Une IRPT qui n'a aucun respect pour la dignité humaine, pour la parole donnée. Pourtant, nous sommes en Afrique. La parole donnée vaut de l'or, le pouvoir du langage. Ils n'ont pas ça. Alors, faut-il encore retomber dans ces pièges et retarder cette flamme de l'alternance qui s'est allumée? De toutes les façons, le dernier mot revient au peuple togolais, qui est souverain et qui est fatigué des dialogues. Nous sommes ensemble. Eh bien, tout à fait, le dernier mot revient au peuple togolais qui doit combattre pour sauver notre dénigrement et non compter sur la communauté internationale. Naboudia Bouraïma, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Un message spécial au peuple togolais, surtout à la diaspora togolaise face à cette situation actuelle. Vous savez, il y a une solution à toutes choses. Il y a une solution à toutes choses. On ne peut pas être président et devenir sourd-muet face aux revendications légitimes d'un peuple. Fort doit prendre ses responsabilités et comprendre qu'on ne peut pas vouloir être à la tête d'un État où tout le peuple est contre toi. J'allais dire la grande majorité de la population. Les Togolais dans les rues, des gens qui meurent, des innocents en prison. Tu ne peux pas continuer pas vouloir observer ce silence du cynisme. Et c'est ça d'ailleurs qui révolte plus les Togolais. Le fait de faire semblant, de ne pas écouter et considérer les aspirations profondes d'un peuple assoiffé de liberté, asservi durant 50 ans, qui réclame sa constitution, choisir le silence, choisir l'indifférence, c'est une provocation de plus. Donc le président de la République doit prendre ses responsabilités pour écouter le peuple togolais. Les gens l'utilisent comme un bambin. Nous savons qu'autour de lui, les gens l'utilisent. Il n'a que les petits honneurs. En réalité, les grands décideurs sont dans les coulisses. C'est eux qui lui demandent de se taire. Mais c'est son nom qu'on crie de gauche à droite. C'est lui qui devrait répondre un jour devant l'histoire. Donc, le fort peut résoudre ce problème en écoutant la volonté du peuple togolais. Parce que les Togolais ne sont plus prêts à céder. C'est simple. La première maxime de Kant, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est fondamental. On ne peut pas vouloir être à la tête d'un État où le peuple est contre toi. Ces revendications, on aurait pu les éviter si depuis 2006, il avait tenu compte des recommandations de l'APG, l'accord politique global. Donc il y a une solution à tout. Faire ramener notre constitution pour que les Togolais puissent retrouver ce qu'ils réclament. Voilà. Il y a une solution, c'est tout ce que les Togolais réclament. Donc je voudrais conclure, je voulais finir mes propos en disant merci, merci, merci à la diaspora africaine et surtout celle togolaise qui a une oreille attentive par rapport aux revendications légitimes des Togolais. Vous savez, votre sensibilité, vos contributions de gauche à droite, ça nous va droit au cœur et ça nous donne la force, la détermination totale de continuer. Et je vous rassure, en tenant compte des réalités sur le terrain, les Togolais sont déterminés et ne sont plus prêts à retourner à la maison sans avoir obtenu le retour de la constitution de 92. Vous savez mieux que moi que la liberté ne tombe pas du ciel. C'est une œuvre à faire et nous avons besoin de la liberté au Togo et partout en Afrique. Je tiens à vous dire merci. Merci infiniment. Monsieur Amos, je vous dis merci. Merci pour cette science qui m'a été accordée. Je rappelle que c'est votre frère et ami Naboudia Bouraïma, prof de philosophie au lycée technique de Mango. Ce fut un plaisir pour moi détenus sans kérosène, mes amis. Je reviendrai dissiper sur ce thème et partager mes expériences douloureuses que j'ai eues en prison civile, à la prison civile de Kara avec mes petits frères. Je tiens à vous dire merci et je salue aussi tout ce que vous faites à l'endroit des détenus et des blessés. Et je vous prie, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble pour que ce pays renaisse. 50 ans de dictature, je crois qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage pour pouvoir en finir. Pacifiquement, bien sûr, je suis un partisan de la non-violence. Tous les Togolais sont des partisans de la non-violence. Nous demandons à l'armée de jouer sa pleine responsabilité, c'est-à-dire d'être au service du peuple et non d'un parti politique ou non au service d'un individu. Nous sommes ensemble patriotes, que Dieu bénisse le Togo lors de l'humanité. Merci. En tout cas, merci beaucoup Nabuja Bouraïman. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur nos radios partenaires FM Liberté Radio Dénivant que vous êtes professeur de philosophie au lycée de Mango. Bonsoir, merci et bon courage à vous. C'est quand on de règne de Nyasimbe. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crime économique, cabésier au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Enyasimbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique d'Enyasimbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité. Wakato adala Togobia ive. Wakatifo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe nesen. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Amis auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, merci de votre fidélité sur nos radios partenaires FM Liberté Radio Dénigrement. Nous marquons une pause, le temps de prendre notre deuxième invité. La Constitution de 1992, Constitution de retour, c'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour, écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les dias. Et l'énibé, ton trône va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les bois. Et l'énibé, amen pour ne va. Oh là là là là. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps, c'est la voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les tiens, et les nibés, notre les va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qu'est-ce ou quoi les bois. Et y'a n'y vé, amé pour ne va. Yeah! Amé pour ne va. Amé pour ne va. Et nous pour ne va, la la. Et nous pour ne va. Le peuple veut plus de toi. Et le problème, va dans la paix. Ne cherche pas de problème. Odola c'est toi bébé. Et toi et les biens. Et toi les biens trop. Odola c'est toi bébé. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les tia et yéni bé à me bouné va. Le peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple veut plus de toi. Ne cherche pas problème, oh, va dans la paix. Sans commentaire, yeah. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tu crois les diables, et inhibé contre les vents. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tu crois les diables. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Ouais, qui pourra dire non? Nous demandons le retour de la constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Yama! Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Yama! Et nous qui tu crois les tiens et un yvé t'en prenez pas. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et bien, mes auditeurs de l'émission Fenêtre de Sud-Afrique, merci de nous être fidèles dans cette édition spéciale sur la mobilisation populaire au Togo qui ne fléchit pas. Nous accueillons maintenant notre deuxième invité qui n'est autre que Moussa Issifou de CEMAF Togo. Il est le coordinateur de CEMAF Togo. CEMAF Togo est membre de la CEMAD, de coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Moussa Issifou, bonsoir. Bonjour, Amos. Eh bien, merci de nous accompagner également en ligne depuis Caroline Dinon aux États-Unis. Moussa Issifou, près de 50 blessés, 2 morts, dont un enfant de 9 ans. Que comprendre alors de la situation qui prévaut justement à Bafilo et dans d'autres villes du Nord? Par rapport donc à la situation qui prévaut à Bafilo, je peux tout simplement dire que cette situation fait partie de la stratégie de conservation du pouvoir par le régime cinquantenaire et réfractaire à toute idée de démocratie et de changement au Togo. En effet, à l'appel donc de l'opposition togolaise et à l'instar des autres villes du Togo, la population de Bafilo et de ses environs ont voulu descendre dans les rues pour réclamer le retour à la constitution de 1992 et à défaut, le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Ainsi, le mercredi 20 septembre, à peine les manifestants s'étaient réunis que les bérets rouges, venus à Bafilo depuis la veille, ont ouvert le feu sur eux sans sommation. Ce fut un mélange de balles réelles et de balles blanches à fragmentation. Le bilan se passe de commentaires. On dénombre au moins 1 mort, le jeune Agrignan Rachad, âgé de 15 ans, et plusieurs blessés graves. Pour moi, ce qui s'est passé à Bafilo le 20 et 21 septembre relève de la stratégie du régime, comme je l'ai souligné plus haut, de la stratégie donc du régime en place de neutraliser les populations qui ne cachent plus leur désir de réaliser une alternance politique au Togo. Pour ce faire, le régime s'appuie sur certains cadres inconscients de la préfecture et surtout sur le préfet pour planifier et mettre en exécution des exactions contre les populations de Bafilo. C'est ainsi que après avoir dispersé les manifestants, les soldats sont passés de maison en maison où ils ont tabassé, ils ont molesté, ils ont humilié des familles. Ils ont blessé des familles. Ils ont cassé les pieds et bras des jeunes gens à coups de pilon. C'est vraiment triste ce qui s'est passé à Bafilo. C'est ici le lieu de rappeler à tout le monde et d'informer la communauté internationale et nationale que des crimes contre l'humanité ont été commis à Bafilo les 20 et 21 septembre. Les preuves sont suffisantes. Les images sont là. Et tout le monde entier a déjà vu ces images-là circuler. On n'a jamais traité un animal de la sorte. Ce sont vraiment des crimes contre l'humanité. Et nous tenons ici à rappeler tout ce qui, de près ou de loin, sont associés à la planification, à l'exécution de ces crimes, seront tôt ou tard rattrapés par leurs crimes. Ça, c'est une promesse. Eh bien, Moussa Issifou, stratégie de conservation de pouvoir, vous venez de le décrire, mais est-ce que vous pensez que les populations vont être prises de peur et abandonner cette lutte? Vous parlez de peur, Amos, pas du tout. Au contraire, si peur il devait y avoir, il faut plutôt la rechercher autour de nos adversaires d'en face. En effet, vous vous rendez compte que depuis le 19 août, la peur a changé de camp. Quant à la population d'Assoli, elle reste plus que jamais mobilisée. D'ailleurs, après l'enterrement du jeune Rachad Agrignan, cette population a pris un nouvel engagement. Un engagement de continuer la lutte, de poursuivre la lutte jusqu'à l'obtention de l'alternance politique au Togo. Elle a fait cette promesse ferme à Rachad qu'elle ne baissera jamais les bras, qu'elle ne s'arrêtera jamais avant d'avoir obtenu l'alternance politique. Alors, cette population sera toujours du côté des forces démocratiques et luttera avec ses forces pour l'obtention de la démocratie, pour la réalisation de l'alternance politique au Togo. C'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est l'engagement pris par cette population d'Assoli. Désormais, cette population d'Assoli dit que la guerre que le RPT a déclarée n'est pas seulement une guerre dirigée contre l'opposition démocratique, mais c'est une guerre dirigée contre toute la population d'Assoli. Et par conséquent, personne ne restera les bras croisés lorsqu'on appellera la mobilisation. Tout le monde y sera parce que le RPT a osé provoquer, a osé humilier, a osé maltraiter la paisible population d'Assoli gratuitement. Et pour ça, la population est déterminée ensemble, main dans la main, n'est-ce pas, à continuer la mobilisation jusqu'au départ pur et simple de ce régime criminel. Et bien justement, Moussa Issoufou, des observateurs de la vie sociopolitique au Togo pensaient que le don était un terrain conquis et acquis au profit du pouvoir. Alors avec ces soulèvements qui ont aussi gagné le nord du pays, pourra-t-on dire que le régime perd son fief? Mais ça me fait sourire. Fief du régime RPT, le nord? Non, pas du tout. Et vous-même, vous le savez, et Adama même le savait, et Fort le sait. Et tous savent que le Nord n'a jamais été leur fief. La preuve, c'est là où on envoie plus de militaires pour aller déclarer la guerre aux paisibles populations. Donc, tout ce que je peux accepter, c'est que c'était plus facile, n'est-ce pas, d'envoyer des militaires intimider les pauvres populations pour que dans la peur, ils s'exécutent. En dehors de ça, ce n'est pas vrai. Nous avons vu que lors de consultations électorales, le Nord a toujours payé le prix. où des soldats tabassent les gens dans les bureaux de vote, molestent les gens. On vient enlever les urnes comme on veut. Bon, là, ça, je peux comprendre. Mais dire que, bon, librement, les gens du Nord sont acquis au régime, ça, ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Je peux trouver ça provoquant, pour le dire, parce que les gens du Nord ne seront pas contents à entendre encore les gens dire que le fief du régime, c'est au Nord. Puisque cette lutte-là, je peux dire que le Nord a aussi donné, aussi bien que le Sud. Et tout le monde veut le changement. La différence, c'est que il est plus facile de faire descendre les bérets rouges et verts dans ces localités-là. Vous avez vu, Bafilo à 24 km du Kalandia, d'où étaient venus ces bérets rouges, qui ont semé la pagaille et la terreur dans la ville de Bafilo les 20 et 21. Alors je vais préciser ici que le Nord n'a jamais été acquis au régime, ni au temps d'Yadema, ni au temps d'Effort. Et justement, Moussa Issoufou, parlons des réformes politiques. Hein, et le pouvoir se lance dans une campagne pour un référendum. Alors, telle que la situation se présente, quelle issue entrevoyez-vous en tant que citoyen togolais? Vous dites référendum? Dans les conditions actuelles? Non, mais c'est pas possible. Les RPT lui-même sait que c'est... Le régime sait que c'est de la comédie, il est en train de jouer. Mais si on va ignorer la demande de la majorité de la population togolaise, qui sort désormais à près de 95% pour dire non à la perpétuation du régime et pour appeler au retour de la constitution de 92 et le départ pur et simple de Faure Gnassingbé, mais moi, je pense que parler du référendum, c'est se moquer du peuple. Je sais que le peuple togolais n'est pas dupe. Et il ne va pas céder au dilatoire. D'ailleurs, désormais, nous appelons les citoyens togolais. Nous appelons à la mobilisation citoyenne. La mobilisation populaire peut continuer, mais nous voulons que la mobilisation soit désormais citoyenne. Ou des citoyens qui veulent voir l'alternance au Togo se lèvent et prennent en main la lutte. À partir de ce moment-là, il n'y aura pas de négociation. À partir de ce moment-là, il n'y aura pas de diversion où on peut appeler les gens pour aller négocier. Les citoyens ne négocient pas la perpétuation d'un régime qui est la femme. Les citoyens ne négocient pas la perpétuation d'un régime qui le tue. C'est tout. Alors, à moi, si je peux répondre à cette question, je vous dirai que il n'y aura pas de référendum au Togo. Eh bien, Moussa Issoufou, après au moins 25 dialogues sans alternance depuis plus de 50 ans, comment comprenez-vous le rôle de la communauté internationale qui convie de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde? Quelle est votre réaction là-dessus? Mais Amos, on nous parle aujourd'hui de dialogue. Hein? Encore un dialogue au Togo? Amos, vous avez été, modeste. Moi, je pense que le Togo a eu plus de 25 dialogues. Et c'est, la plupart de ces dialogues-là étaient financés par cette même communauté internationale qui nous parle de dialogue aujourd'hui. Nous savons ce qui se passe au Togo. Lorsque le régime est acculé, il va rapidement demander secours auprès de la communauté internationale. Bon, comme quoi, voilà, et nous, on est prêts à aller au dialogue, tout ça là. On oblige l'opposition à aller à la table de négociation. On signe les accords et les RPT sort, ne les respecte pas. Lorsque la communauté internationale, garante de ces accords-là, veut parler, Bawara et autres, sortent pour dire, ben, nous sommes un État souverain. C'est comme ça. C'est du chantage à répétition. Et aujourd'hui, cette communauté, si elle n'a pas appris sa leçon, nous, le peuple togolais, nous avons appris notre leçon. Et désormais, nous voulons qu'on nous laisse tranquille. Qu'on nous laisse mener à bien notre mobilisation populaire. Qu'on nous laisse nous libérer de l'esclavage de temps moderne. C'est comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo, est-ce que ces membres-là, ces messieurs de la communauté internationale peuvent accepter ça dans leur pays, que ce soit en Europe ou en Amérique? Personne n'acceptera jamais ça. Lorsqu'un chef d'État se permet de se taire, de s'imposer un silence volontaire, et pendant ce temps, il tire les ficelles, il jette les soldats sur les pauvres populations dans les villes du pays pour les massacrer. Vous pensez que le FPT a envie d'un dialogue? Un régime qui veut dialoguer ne tue pas ses fils. Un régime qui veut dialoguer ne sème pas la terreur, n'est-ce pas, dans les villes et campagnes qu'il dirige. Un régime qui veut le dialogue cherche l'apaisement, ne persécute pas ses citoyens, ne les oblige pas à passer la nuit dans les montagnes sous les pluies. C'est ce qui se passe. Les 20 et 21, ce qui s'est passé à Bafilo, c'est horrible, c'est affreux. Et tout ça là, parce que quelqu'un veut garder le pouvoir. Vous garderez le pouvoir pour diriger qui? Lorsque nous sommes en train de traiter nos propres populations comme moins que des animaux. Même les animaux ne sont pas traités de la sorte. Je vous demande, messieurs de l'Europe, messieurs de l'Amérique, ici, comment vous traitez les animaux? Les animaux ont mené gestion des animaux. Le mauvais traitement des animaux a conduit des célébrités en prison ici. On le sait. Mais au Togo, les citoyens togolais sont traités moins que des animaux. Et vous permettez d'imposer encore un dialogue à qui que ce soit? Parce que oui, vous pensez que nous ne sommes pas des humains au même titre que vous. Donc nous sommes des sauvages, on peut se massacrer et ce n'est pas votre problème parce que vous voulez coûte que coûte préserver vos intérêts. Peuple togolais, ton destin est à toi. C'est à toi de décider. Ce n'est pas une communauté internationale complice de décider la conduite à tenir et la suite à donner à notre mouvement. Tu peuple togolais, si tu penses que aujourd'hui, un dialogue qui va te bénéficier est possible, c'est ton choix. Mais fais ce choix-là tout en mesurant les conséquences, n'est-ce pas, de ce que tu vas gagner en allant à ce dialogue. C'est pourquoi nous demandons à l'opposition togolaise, surtout à ceux-là qui sont tentés de parler de dialogue, de faire attention, de ne pas marchander les intérêts du peuple, de ne pas négocier sur le dos du peuple togolais, parce que les 90% de la population togolaise qui s'est levée depuis le 19 août à travers le pays ne leur pardonneront jamais. Jamais. S'ils vont négocier des issues qui leur seront fatales. Vous pensez que dans les conditions actuelles où des gens fuient les villes de l'intérieur du pays, des gens sont à l'hôpital, ils sont dans l'angoisse, des blessés graves, des gens continuent par sillonner des maisons pour cibler des gens. Si vous pensez que dans ces conditions, il faut aller au dialogue, mais c'est ridicule. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de livrer ces pauvres populations dans la gueule du loup? On ne négocie pas lorsque son peuple est en train d'être massacré. Non. Jusqu'à preuve du contraire, Faure n'a pas encore donné son désir de dialoguer avec son peuple. La preuve, depuis plus de 2 mois, il ne s'est jamais adressé à qui que ce soit. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui veut dialoguer? Le dédain, le mépris de Faure par rapport au peuple togolais n'est plus à démontrer. Vous-même, vous le voyez. C'est ça le problème. Et vous pensez que il va dialoguer pour vous donner ce que vous voulez? Non. Je pense qu'il faut continuer la mobilisation populaire. Nous appelons d'ailleurs tous les Togolais. Ce n'est plus une affaire de parti politique. Nous parlons désormais de mobilisation citoyenne. Une mobilisation qui n'épargne personne. Parce que les atrocités commises contre les populations de Sokodé, de Bafilo, de Mango, doivent troubler la conscience du monde. Doivent troubler la conscience collective de tout Togolais. Parce que ce n'est pas acceptable que dans une république, on se permet, n'est-ce pas, de traiter des citoyens comme des animaux. Des soldats qui utilisent des pilons pour bastonner ses propres frères. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors ne nous parlez pas de dialogue. Ne nous parlez pas de dialogue. Vous nous parlez de dialogue, pourquoi? Mais c'est de la communauté internationale. S'il vous plaît, ayez quand même un peu de la pudeur. Ça ne vous fait pas mal? Et votre conscience dans tout ça là? À Bafilo, je peux dire que ce qui s'est passé à Bafilo, ça s'apparente à ce qu'on appelle un massacre ethnique. Ce n'est pas possible. Les intentions étaient claires. Parce qu'à Bafilo, ce n'était plus question des gens du CAR, du PNP, de l'INI. C'est tout ce qui est à Bafilo, tout ce qui est thème qu'on est en train d'attaquer. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Et vous vous taisez. C'est une épuration ethnique. Et l'on ne dit rien. Mais s'il vous plaît. Eh bien, Moussa Issoufou, je voudrais vous rappeler que lorsque ce cas de figure s'est présenté au Burkina Faso, on a vu Blaise Compaoré remplir tout un stade, mais au finish, il a été délogé par la même armée qu'il a porté et protégé pendant 27 ans durant. Alors, avec Fort Niassimbe, Muyen, quel pourrait être le dénouement, Moussa Issoufou? Mais Fort Niassimbe compte sur l'essoufflement de la mobilisation populaire. C'est pourquoi je le disais plus haut, je disais qu'il faut plutôt désormais faire en sorte que il y ait une mobilisation citoyenne qui va prendre la relève avec un calendrier précis, des objectifs clairs pour afin faire fléchir à ce régime. Niassimbe pense que le peuple s'essoufflera un jour et là, il va reprendre la main et continuer par gouverner à perpétuité. Et cela ne va pas se passer au Togo. Cette fois-ci, le peuple est engagé, il est déterminé. La jeunesse est debout et cette jeunesse ne va pas se laisser faire. Elle ne veut plus se laisser faire. Elle a son destin en main et cette jeunesse combattante, je suis sûr, j'ai confiance, j'ai foi que cette jeunesse-là va libérer ce Togo-là des jougs, des méchants de la République. Fort peut compter sur l'essoufflement, sur l'usure, etc., etc. Cela ne va pas se produire. Bon, venant à la comparaison que vous venez d'établir entre Fort et Blaise Compaoré, la différence c'est que au Burkina, l'armée n'est pas si inféodée comme on le voit au Togo. D'ailleurs, Blaise Compaoré n'a pas créé l'armée burkinabé. Il est venu la trouver là-bas et il est parti la laisser. Mais au Togo, l'armée est une fabrication, comme je le dis souvent, c'est une fabrication de Niassimbe Yadema. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle armée a été formé pour obéir seulement à un seul homme et à une seule famille. Nous avons vu des soldats qui disent qu'ils sont prêts à couper la tête des gens si quelqu'un blague avec la famille Nyasimbe. Pourtant, ces soldats-là sont mal payés, mal habillés, mal nourris. Ils n'ont même pas de sécurité sociale. Rien du tout. Mais pourtant, ils sont fidèles. Alors, il ne faut pas espérer voir ces soldats-là avoir un sursaut patriotique comme les soldats burkinabés. Nos soldats togolais, je doute de leur patriotisme. Ils sont au service d'un seul homme, c'est tout. Cela n'est plus un secret pour personne. C'est notre problème au Togo. Si ces soldats-là pensent qu'ils sont patriotiques, ils n'ont qu'à m'éprouver le contraire. Nous ne leur demandons pas d'aller abattre qui que ce soit ou bien d'aller faire un coup d'état ou que ce soit. Nous leur disons tout simplement d'être républicains, de ne pas obéir aux ordres qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de leur devoir républicain. C'est tout ce qu'on leur demande. Le Togolais n'a jamais demandé à un soldat togolais d'aller combattre pour lui, non. Nous leur demandons de rester neutres. Mais comme ils ne peuvent pas l'être, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont désormais tous, n'est-ce pas, dans le même camp. Du camp des injustes, du camp des tortionnaires de la République, du camp des pilleurs de la République. C'est comme ça qu'ils ont choisi leur camp. Et l'histoire en tiendra compte. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Caroline du Nord aux États-Unis. Est-ce que vous avez un mot à la demande de la diaspora togolaise? Vous faites partie de cette diaspora. Face à cette situation, quel doit être le rôle de la diaspora togolaise? Si j'ai un message à l'endroit du peuple togolais, c'est un message d'admiration, de félicitations et d'encouragement. C'est un message de satisfaction que je lui adresse, parce que le peuple togolais, depuis le 19 août, a fait ses preuves. Mais je voulais aussi tout simplement rappeler que, oui, le fruit est mûr, mais il n'est pas encore tombé. Alors, continuons de secouer l'arbre, jusqu'à ce que le fruit tombe. Et là, on aura accompli notre mission. C'est pourquoi, il ne faut pas baisser les bras, tant que ce régime-là respire. Il faut tout faire pour en finir avec ce régime. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Nous ne devons plus laisser cette lutte-là à nos enfants et à nos petits-fils. Cela n'est pas possible. Nous devons ensemble comprendre que notre histoire, nous devons la réécrire. Et nous devons le faire sans délai. Merci. Moussa Issifou, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes coordinateur de CEMAF Togo. CEMAF Togo est membre de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise. Bonsoir. C'est 50 ans de règne de Nyasimbe. Ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinats politiques, crimes économiques, cabésie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Nyasimbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Nyasimbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vain dans la dignité. Wakato adala Togobia ive. Wakatifo Togobia fenima. Togobia aloato dala ekwe ekwe nesen. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Amis auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale sur nos radios partenaires FM Liberty Radio d'Enigma, toutes basées aux États-Unis. Merci de votre fidélité, mais avant de prendre congé de vous, il est important de retenir ceci. Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. Et avec ce paragraphe de l'hymne de l'Empire Wassilou, nous rendrons un grand hommage aux femmes africaines, notamment togolaises, qui s'implique à corps et âme dans ce combat démocratique. Bonne continuation de programme sur nos radios partenaires FM Liberté Radio d'Enigma. Et quant à mon équipe de l'émission Fenêtre sur l'Afrique, nous vous retrouvons samedi prochain sur Radio Canal K pour d'autres actualités sociopolitiques au Togo. Bonsoir. Agbetan me ya uwa nubalo e. No le num le bendu me na mede u. No le num le kendu me na mede u ade. A mede o na na nyi blona kukube. De kaje a e jana. No le num le bendu me na mede u chon. No le num le kendo me na me do wade. A me de o na na ni brana koko be. Tukeje a ijana. Wade. Nukeye o la ole a me. Yo magble un. Nukeye bitom ole a me. Yo dupwe magble upo. No vi, no to ujun judi. For no me like me. No hussy blan a chan. Ola to le me. Si me koe me kpalie Mi le vovo jojo me chan nene keye Agbito le trole ti o dupo ware Njava pola wo Mo kozon hiye me bagbo huno On wadge nchama to va zero Ndekbe peke jona de mye jan Me ouve un jojo me ibiana Wade, wade, wade. Look at you, no only a me. You mag blow man. Look at you, bit of a wally a me. You do put my blow ball. No, we not all you, you, you, like with me. No, hussy blan, no chan. Ola to live me. Nubalo, nubalo, nubalo. toi et nous.